Est-ce que c'est déjà le moment? Oui, c'est la petite émission là, du matin, là, you know? Hein? Ça dure 3 heures, c'est entre 6h30, 9h30. C'est un peu. C'est le chantier pendant 2 tiers, puis. C'est le bonjour? Non, non, ça c'est tout en direct. Ça. Voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 2 décembre 2013. Le mois de décembre qui a commencé hier. Officiellement, hein, c'est ça, si on est le 2. D'habitude. Si la tendance se maintient demain, ça sera le 3. Et je pense qu'on se rend jusqu'au 31. Ah, peut-être. Ce mois-ci. Attends que je fasse le coup des voitures. OK, janvier, février. Juin, juillet. 31! Oh, oui! 31. Non, il n'y a aucun agenda qui est ouvert en grand sur mon ordinateur, c'est pas ça. Je voulais aller magasiner parce qu'on n'a pas de porte-manteau, c'est con, hein? Mais j'ai pas de porte-manteau à la terre. Mais genre, ou des crochets, OK. Puis finalement, ben, je me suis retrouvé dans des magasins de musique, j'ai acheté un petit peu de vinyle. Le rapport avec les racks, c'est... Là, le magasin était pas loin. Ouais, tout est une question de rack. Ben, c'est ça, T'as-tu écouté toutes les émissions là, concernant justement ce que tu voulais acheter, là, comme ici à Cifo, l'émission qui s'appelle Rack Classique. Rack Classique. Ouais, bon. Fragile comme de la porcelaine. Oui, comme Moby. Moby. Porcelaine. OK. La toune. Ah oui. Porcelaine. Porcelaine, things you do. Mother. Pardon. Mother. Maintenant, Donald Duck, s'il te plaît. Mother. Non, hey, Colin. Ça, c'était quoi? C'était Donald Duck qui chante de l'opéra. Kimi. Ouais. J'étais aux Rivières hier et eux, ils appellent ça le Vendredi Fou. Hein. Oui, mais c'est ça. Mais ben oui, il faut pas que Black Friday... Ben non, c'est raciste. Oui. C'est Vendredi Afro-Américain. Ouais. On a enfreint assez de règles. Là. On a parlé de Black Friday puis c'était super raciste. Puis on a parlé que Alexandre Carignan n'aimait pas les zombies, fait qu'il est homophobe. Fait que... homophobe? Zombies. Les hommes. Les hommes. Zombies. C'était facile à mort. C'est... Ouais. Hopes and Devil and the Warm Inventions, c'est le groupe et c'est Through the Devil Softly. Donc, à travers le diable, tranquillement. Tranquillement. Et puis l'autre, c'est les inventions chaudes. Ah oui, Espoir, Sandoval et les inventions chaudes. Sandoval, c'est Sable Ovale. Sable Ovale. Sable Ovale. Espoir, Sable Ovale et les sensations chaudes avec l'album à travers le diable, doucement, tranquillement. Demandez ça chez votre disquaire préféré. Moi. Est-ce que tu es du genre à faire des crampes? Oui, des crampes dans les cuisses. Pas cuisses, excuse-moi, mollets. Mollets, oui. Et orteils. Okay. Aussi, c'est bizarre, hein? Moi aussi. Moi, je fais des crampes dans le mollet orteil. Des crampes dans le mollet orteil. Je suis au point d'avoir des orgasmes multiples. Wow! Dans une même relation. Justement, c'est inarrêtable. C'est ça. Fra! Fra. Ça, c'est quand t'as couché avec un rapper, là. Ouais. Fra. Tout le long de l'intro, JP ne pouvait plus se retenir. Il voulait parler de sa sauce French Vanilla. Et là, aujourd'hui, on va partager notre... On partage notre mange notre cœur. On se mange le cœur. On mange le cœur avec la sauce. Ah, ça va être bon, peu importe la saveur. Mais qu'est-ce qui se passe, Mathieu? Est-ce qu'on déjeune le matin? Ben, pourquoi il faut tout le temps qu'on parle de d'ailes de poulet, de sauce piquante? Je veux pas blâmer personne, mais c'est ta faute, man. Je pense que oui. Moi, je pense que tu as des symptômes d'accro à la sauce Red Hot, puis je suis pas sûr qu'il y ait un institut pour ça. Moi. J'ai la jambe qui shake. Je suis dû. Je suis supposé. Ma dose. C'est parce que t'es supposé shaker la bouteille pour faire sortir la sauce. Ah, mon erreur. Si tu shakes la jambe, tu vas sûrement faire sortir le Red Hot de quelque part aussi. Et les remplacer par une nouvelle entrée, dont voici. C'est la fête. Burning. Au golf aussi. Burning. Burning. Carl Carmoni. Carl Carmoni, champion des bourses. Carmoni Purdy. Oh, attention. Oh. Ça se pourra. Mais c'est beau. Carmoni. C'est Carl Carmoni. Purdy. Oh oui, mon Dieu. Oh yeah, je flippe. Est-ce qu'on est dans une porno sans que je le sache? Oui. On est assez de gars et de filles pour ça. Deux gars, deux filles, c'est... Maintenant, on va avoir une chronique aussi à Canal D. Ça va s'appeler Porno sans savoir. Porno sans savoir. Moi, je suis Shotgun Véro. Oh! Okay. Oh! Oh! C'est qu'on est pas ensemble. Bon, ben. Let's go! Tag team! Tag team! C'est fesses! Woohoo! Voilà pour les kimonos. Kimono, maintenant les ki stéréo. Qui stéréo? Ben, les kimonos. Ah, mon stéréo. Blague de son. Oh, wow! Ça, c'était bon. Merci. Le koala a le même rôle écologique que le paresseux dans le sens où il défait que 150 fois par jour. Donc, vous pouvez facilement suivre la trace d'un koala. Hansel et Gretel, mais à la place, c'est Hansel et Gressel. Gressel. Gressel. Hansel et Gretel, il était déjà dedans. Mais oui, quand il pense. Hansel et... Laisse faire. Aïe, aïe, aïe. Moi, je mange la morue séchée salée. Salée. Oh, j'ai pas d'accent que je suis salée. Oui, t'as l'accent quand tu es salée. Soleil, soleil, au Caraïbe, soleil, soleil. Tu aimes le soleil, tape des mains. OK. Tweet, tweet, face, face, face, face, face. Flac, flac. Flac, splash face. Hey, parlant de splash face. Insta, insta. Insta, insta. Parlant de splash face, Stéphanie, je te vise plus. Et splash face. Je n'ai même pas pensé. C'était quoi, ça s'en va où, ça? J'avais même pas dit ça. Voulez-vous que je vous laisse? Non. On a été chercher là, un monsieur qui s'appelle André Perry, dont le studio apparemment avait des vertus super hot pour la musique, faisant en sorte que la musique sortait bien dans tes oreilles. On dit à Perryman. Jean-Pierre Ferland est aussi prolifique qu'il copule comme un lapin. Ça, il est plus fer rapide que Ferland. Oh oui. You know. Moi, mon vrai nom, c'est Mathieu Tousignan en plan. C'est aussi long que ça, tu sais. Ah. Tousignan, c'est foutrement long comme nom de famille. Tousignan. Je m'en sers pas non plus. Je connais des Tousignans, ils sont bien fins. Je les salue. Allô, les Tousignans. Salut tous, Ignan. Oui, Mathieu, je veux ce petit bout-là. Juste ça. Oui. XXX, c'est 88 featuring Diplo. C'est-tu ça que tu nous as choisi? Diplo, ouais. Diplo, c'est ça de prononcer mal. Diplo. Non, vous allez adorer ça. Faites juste écouter avec vos oreilles. C'est Diplo featuring Tupperware, Diplo Tupperware. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Mots. Mots. Oh, c'est bon. Là, ils ont dit, c'est-tu un péquiste déguisé? Il y a toute sa carte, toute partie. Est-ce que c'est un infiltrateur? C'est un péquisement. Oh, ouais, un péquisement. Je l'aime, celle-là. Merci. Un péquisement. Ouais. Jean Parizeau, sympathique. Oui, ben oui, il a animé l'émission du matin, genre à Québec, le Parizeau du matin. Parizeau! Comment? Le Parizeau du matin. OK. Ouais. Ah! T'as ses fesses, non? Ouais, okay. Non, je la comprends, mais bon. Ma face me dit que non. Ma face. Mon cœur me dit que j'essaie de la rire, mais il n'y a rien qui sort. Fatima ou Dapépin. Fatima, le contraire de Slim Ima. C'est Ima qui est une grosse Ima. C'est ça, une grosse Ima. On n'écoute pas Ima. Si était grosse, on pourrait faire des jeux de mots, mais on peut pas, puis de toute façon, on serait déplacé. Ah, le pire, c'est que ça serait une belle grosse, je suis sûre. Ben, oui, sûrement. Tu pourrais dire Fatimax, comme on peut projeter un Fatimax dessus. On dirait que quand je l'ai monté, je trouvais, il me semble que la semaine était faible, mais en les réécoutant, finalement... Oh non, cette semaine, c'est vraiment... ça va rester classique. Je pense que oui. Donc, les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 2 décembre 2013. On est toujours du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Il nous reste encore deux semaines, la semaine du 9 et la semaine du 16 décembre en direct. Après ça, ça va être que du best-of pour le temps des fêtes. Et je réitère, okay. Je suis certaine que je n'ai pas d'accent quand je dis salé. T'as vraiment un accent et c'est le seul mot où je remarque ton accent gaspésien, OK? Ben voyons donc. Non, je suis pas capable. Même pas. On a déjà déterminé que j'étais pas très bon pour les accents, en fait. Genre pas du tout bon. Aucunement. Aucunement, une barre, zéro puis une barre. Ouais, zéro puis une barre. C'est ça. Joke de linguiste, là, je te dirais eux. Ouais, c'est le symbole, il s'appelle eux. Donc, il doit avoir... Non? On s'est posé la question ce matin parce qu'il y avait... ben, en fait, on l'a entendu dans les meilleurs moments, les essais classiques. Il y avait la formation, ben, on dirait l'artiste Mo, M-O avec une barre dedans. Et ouais. Ça s'appelle un O barré, apparemment, sur Wikipédia. Un O avec une barre dedans, c'est un O barré. Et là, tu me dis que c'est un E? Non, mais en fait, c'est dans l'alphabet phonétique. Le okay. O avec une barre, ça, c'est E. Non, ben, c'est intéressant. E. C'est Jean-Philippe Charbonneau. Charbonneau qui va être content à chaque fois que je dis zéro puis une barre, oui. J'ai mon ami Sarah Pornouveau, je te salue Sarah, qui dit eux, joke de linguiste. Prenez-vous. C'est comme à chaque fois où tu vas dire ça m'a l'air que, moi je te réponds joke dedans. Et c'est facile, mais on aime ça, c'est que des récurrentes, des blagues récurrentes. Exactement, on se fait plaisir oui, comme ça. Ça nettoie très bien une table, une blague récurrente.